deuxième condition, la certitude. Al-yaqin al-munafi lish-shakk war-rayb. La certitude qui s'oppose au doute. Qui s'oppose au doute. Donc la certitude, en réalité, c'est la science parfaite et complète. La certitude, c'est un degré parmi les degrés de la science. C'est un degré parmi les degrés de la science avec lequel il ne peut y avoir de doute. Avec lequel il ne peut y avoir de doute. Comme Allah a décrit les croyants. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et son messager et n'ont point douté. Et n'ont point douté. Et ça a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام. Il a dit: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Donc ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité excepté Allah et que je suis le messager d'Allah, il a dit, attester qu'il n'y a de vraie divinité, de divinité qui mérite l'adoration, hormis Allah, et que je suis le messager d'Allah, celui qui rencontre Allah avec cette parole, sans y douter, ira au paradis. Ira au paradis. Donc la certitude, c'est une condition qui permet de réfuter toute forme de doute. Toute forme de doute. Dans un autre hadith, le prophète a dit, celui-là est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, مَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. Nabi a dit, Abu Huraira, celui que tu rencontres derrière ce jardin, attestant qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration excepté Allah, en ayant la certitude sur cette parole, annonce-lui le paradis. Annonce-lui le paradis. Ça, c'est la deuxième condition de cette parole.